Puissant et fort, ça pourrait également lui aller. Le taureau. Mais malheureusement, c'est Guillermo Guiz. Ça va les amigos? Ouais. Alors comme vous savez, chroniqueur sur Inter, moi je fais ça qu'une fois tous les 7 jours, hein, comme ma vaisselle. Et c'est pour ça qu'il y a tant de similitudes entre mes chroniques et mon évier. Tu vois, c'est jamais vraiment propre. Parfois, il y a des bonnes surprises. Oh, une blatte dans un verre à champagne. Oh, mon éponge, elle vit. Enfin, tu vois. Et on dit que je fais rien pour la biodiversité. Moi, je chronique pas tous les jours parce que c'est que ça use les gens chroniquer tous les jours. Regardez Daniel, croyez qu'il a toujours été aussi bougon. Eh ben non, il est bougon Daniel. À côté de Daniel, François, c'est il a l'air euphorique quoi. Franchement, c'est vrai. Moi, j'ai vu des images rares de Daniel qui sourit il y a 6 ans au début de l'émission, c'est pas la même personne. Hein. Quand il sourit, Daniel, il ressemble à Michael Vendetta. Vraiment, allez, avec 7 dents sur 10, quoi. Et donc, moi, ça me va une fois par semaine. Le reste du temps, je fais du stand-up. Et là, je sors un deuxième spectacle, justement. Et Tom est bien placé pour savoir. On a la pression du deuxième spectacle. Hein, parce que moi, le premier, c'était... Allez, c'était... Respudique. Il y a des gens, respudique. Pour vous donner un exemple, Blanche Gardin, elle était venue le voir, elle m'a dit j'arrête l'humour. Elle m'a dit voilà, j'étais là, mais non, Blanche, tu t'en fous et tout. C'est bien aussi ce que tu fais d'une certaine manière, allez, chacun selon ses moyens. Regarde Michel Leb. Elle m'a fait Ernesto, fils de la Grande Ourse, t'es indépassable. Elle m'a dit t'es Arun Taziev, t'es Cyril Lignac, t'es Jérôme. Et ça m'a touché. Et c'est du gâchis qu'elle a arrêté l'humour. Parce que là maintenant, elle est restée dans la création. Blanche, elle écrit pour Nicolas Dupont-Aignan avec Tanguy Pastureau. Et c'est vrai que. Moi, j'ai la pression parce qu'un deuxième spectacle, c'est comme un deuxième enfant. Et théoriquement, tu réussis toujours mieux ton deuxième enfant. Regardez les frères Bogdanov, par exemple. Igor, il ressemble à rien, alors que Grishka, il est nickel. Quoi. C'est vrai, t'as envie de lui faire un high-five, de lui lécher la sueur. Enfin, il y a un truc vraiment de... j'ai la pression parce que c'est là qu'on va vraiment voir si je suis un artiste avec le deuxième. Moi, je me suis jamais considéré comme un artiste. T'as raison. Un artiste pour moi, c'est vrai, un artiste pour moi, c'est Chopin, c'est Kubrick, c'est Michel-Ange. Moi, 80% du temps, je parle de ma bite. Les 20% qui restent, je parle de la bite des copains. Vraiment, vous verrez, Nagui, si on devient proche un jour. Hein, ça va finir dans un sketch, cette histoire de circonférence. Eh ben. Michel-Ange, il peignait pas de bites, quoi. Enfin, quoique, je suis allé au Vatican récemment. Hein, ouais, j'intervenais dans le colloque Popper, c'est célibat des prêtres. Et pendant l'exposé de Leïla, le pape François m'a montré la chapelle Sixtine, en particulier la création d'Adam. Eh ben, Adam, il a Walp, en fait. Hein, et Michel-Ange, il a dû lui dessiner une tub. Par parenthèse, la plus disproportionnée de l'histoire de l'art, le pauvre, c'est pas une tub, c'est un crochet de rideau. Franchement, c'est... tu vois ça, tu te dis le péché originel, ce que tu veux, mais Ève, elle a pas dû sentir grand-chose. Hein, vraiment, quand Adam lui a fait, je peux avoir ton numéro, Ève, elle a fait, non, je vais plutôt prendre le tien. Vraiment, il y a un truc de... Ceci dit, je doute que Michel-Ange, il ait peint toute cette fresque uniquement pour ça, qu'il se soit fait... Mon truc à moi, c'est dessiner des bites. Mais il me faut un contexte. Il a appelé tous ses apprentis en mode, les gars, j'ai un délire. Bon, ça va peut-être nous prendre 17-18 ans de nos vies, mais il y a moyen de bien rigoler. Non, j'en doute, hein. Un artiste, ça a des vrais trucs à dire. Ça brûle de l'intérieur. Un artiste, ça saccage des chambres d'hôtel. Moi, j'ai jamais saccagé une chambre d'hôtel. Moi, parce que quand je tourne, c'est à Saint-Agathon, dans les Côtes d'Armor, et je suis à l'Ibis. Quand je prends une badoie dans le minibar, j'ai peur d'affronter le regard du réceptionniste. Quoi. Vraiment, tu saccages pas l'Ibis à Saint-Agathon. Hein. T'as déjà entendu, ah ben ici, les vampes, elles sont personnelles de grata. Ça leur apprendra par les forges que 21h. Non, hein. Moi, j'ai jamais pensé faire de l'art en faisant du stand-up. Ma définition de l'art, pour moi, c'est vraiment une activité qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Ça, c'est ma définition de l'art. Wow. Et il se trouve que Wikipédia a la même définition que moi. Elle est folle, cette coïncidence. Quand même. Mais là, en Belgique, je viens d'apprendre qu'un centre culturel avait reçu la subvention Art et Vie pour mon spectacle au motif que c'était du stand-up. Et j'accepte, parce que dans mon spectacle, effectivement, je parle essentiellement de l'habitat Nagui et le pot d'échappement d'Alexandrie. Mais c'est vrai que j'invite quand même les autorités culturelles à aller voir des gens comme Blanche Gardin, par exemple. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.